va tout péter. On va tout péter comme à l'ancienne. Et ouais, j'ai relevé tous les défis que la vie m'a lancés. Céder sur céder, j'ai déjà le suivant, j'enchaîne. Je viens de passer Valenciennes, je vais voir les têtes se balancer à 1000 km à la ronde. Faisant le boucan et mon esprit vagabonde. À l'époque des pharaons, le temps fout le camp. On a rénové les catacombes à la honte. Toi pour paraître vrai, tu taffes à fond. Eh ouais, c'est le marathon et mes idées parlent entre elles. Entre celles qui partent en paix, celles qui battent en retraite. Y'a pas de quoi s'en faire, on se recroisera. Pendant le calme plat ou pendant la tempête. N'attendez pas la multisyllabique vide de sens. Y'a plus de libre arbitre et je roule à 1200. Ouais, la vie c'est risqué, surtout si t'es distrait. Y'a ceux qui boivent tes paroles et ceux qui pissent dedans. De l'encre à couler sous les ponts, des gars y crèchent. J'avoue des fois je m'y perds, ce monde est rempli de balivernes. C'est pas la peine de réclamer de l'humanité. On la retrouvera peut-être sur une autre planète. Et je vous invite à planer, comment ils veulent me canner. Ouais, ça commence bien entouré, tu finis seul dans la merde. Avec des mères qui pleurent et des fils qui se vengent. Des balles qui pleuvent sur la piste de danse. Je repense au mois de juillet, tous les sinistrés. Si on doit immigrer, ouais j'espère qu'ils vont nous imiter. Nos abris cernés par des militaires. Volcanique pire que le pic de Dante. Pas d'escapade à compter les grains de sable à Zakynthos. Je laisse ma trace, j'ai plein de plages dans le Macintosh. Je me sens étranger partout, t'inquiète on a ce qu'il faut. Ouais j'ai de quoi les faire trembler sans l'aide de Parkinson. On m'a dit chacun son heure et je ne vois que des gens avides. Moi j'ai donné mon cœur comme Alexandre Paris. J'ai pas de relation, pas d'échange tarifé. Quand la descente arrive lors de la prise de sang. On m'a dit chacun son heure et je ne vois que des gens avides. Moi j'ai donné mon cœur comme Alexandre Paris. J'ai pas de relation, pas d'échange tarifé. Ouais j'ai offert ma vie au rap, je ne peux pas vivre sans.